Le dimanche suivant, comme nous prenions nos rangs pour la messe, Madeleine entra comme une folle dans la salle. Elle leva les bras en criant « Monsieur le curé est mort !» et elle s'abattit en travers de la table qui était auprès d'elle. Tous les bruits s'arrêtèrent. On courut à Madeleine qui poussait des cris aigus. On voulait tout savoir. Mais elle se berçait sur la table en disant d'une voix désolée « Il est mort, il est mort !» Je ne pensais à rien. Je ne savais pas si j'avais de la peine. Et pendant tout le temps de la messe, la voix de Madeleine sonna comme une cloche à mes oreilles. Il ne fut pas question de promenade ce jour-là. Les plus petites même restèrent silencieuses. Je me mis à la recherche de sœur Marie-Aimée. Elle n'avait pas assisté aux offices, et je savais par Marie-Renaud qu'elle n'était pas malade. Je la trouvai dans le réfectoire. Elle était assise sur son estrade, sa tête était appuyée de côté sur la table, et ses bras pendaient le long de sa chaise. J'allai m'asseoir assez loin d'elle. Et d'entendre sa plainte si profonde, je me mis à sangloter aussi, en cachant ma figure dans mes mains. Mais cela ne dura pas longtemps, et je sentis bien que je n'avais pas de chagrin. Je fis même des efforts pour pleurer, mais il me fut impossible de continuer à verser une seule larme. J'avais un peu honte de moi, parce que je croyais qu'on devait pleurer quand quelqu'un mourait. Et je n'osais pas découvrir mon visage, dans la crainte que sœur Marie-Aimée crût que j'avais mauvais cœur. Maintenant, je l'écoutais pleurer. Ses longues plaintes me rappelaient le vent d'hiver dans la grande cheminée. Cela montait et descendait, comme si elle eût voulu composer une sorte de chant. Et puis cela se heurtait, se cassait, et finissait en notes basses et tremblées. Un peu avant l'heure du dîner, Madeleine entra dans le réfectoire. Elle emmena sœur Marie-Aimée en la soutenant avec précaution. Dans la soirée, elle nous raconta que monsieur le curé était mort à Rome et qu'on allait le ramener pour le mettre dans son caveau de famille. Le lendemain, sœur Marie-Aimée s'occupa de nous comme d'habitude. Elle ne pleurait plus, mais elle ne souffrait pas qu'on lui parlât. Elle marchait en regardant la terre et paraissait m'avoir oublié. Cependant, je n'avais plus qu'un jour à rester ici. D'après ce que m'avait dit la supérieure, la fermière viendrait me chercher demain, puisque c'était après-demain le jour de la Saint-Jean. Le soir, à la fin de la prière, lorsque sœur Marie-Aimée eut dit « Seigneur, prenez en pitié les exilés et secourez les prisonniers », elle ajouta à voix très haute « Nous allons dire une prière pour une de vos compagnes qui s'en va dans le monde ». Je compris tout de suite qu'il s'agissait de moi, et je me trouvais aussi à plaindre les exilés et les prisonniers. Il me fut impossible de m'endormir ce soir-là. Je savais que je partirais demain, mais je ne savais pas ce que c'était que la Sologne. J'imaginais un pays très éloigné, où il n'y avait que des plaines toutes fleuries. Je me voyais la gardienne d'un troupeau de beaux moutons blancs, et j'avais deux chiens à mes côtés qui n'attendaient qu'un signe pour faire ranger les bêtes. Je n'aurais pas osé le dire à sœur Marie-Aimée, mais en ce moment, je préférais être bergère plutôt que demoiselle de magasin. Ismery, qui ronflait très fort à côté de moi, ramena ma pensée vers mes compagnes. La nuit était si claire que je voyais distinctement tous les lits. Je les suivais un à un, et je m'arrêtais un peu près de celle que j'aimais. Presque en face de moi, je voyais les magnifiques cheveux de ma camarade Sophie. Ils s'éparpillaient sur l'oreiller et faisaient davantage de clarté sur son lit. Un peu plus loin, c'était les lits de Cheminot l'Orgueilleuse et de sa sœur jumelle, Cheminot la Bête. Cheminot l'Orgueilleuse avait un grand front blanc et lisse et des grands yeux doux. Elle ne se défendait jamais quand on l'accusait d'une faute. Elle haussait les épaules et regardait autour d'elle avec mépris. Sœur Marie-Aimée disait que sa conscience était aussi blanche que son front. Cheminot la Bête était de moitié plus haute que sa sœur, ses cheveux rudes rejoignaient presque ses sourcils. Elle était carrée des épaules et large des hanches, nous l'appelions le chien de garde de sa sœur. Et tout là-bas, à l'autre bout du dortoir, il y avait Colette. Elle croyait toujours que j'allais chez mademoiselle Maximilienne. Elle était persuadée que je me marierais très jeune, et elle m'avait fait promettre de venir la chercher aussitôt que je serais mariée. Ma pensée tourna longtemps autour d'elle. puis je regardai vers la fenêtre. Les ombres des tilleuls s'allongeaient de mon côté. J'imaginais qu'ils venaient me dire adieu, et je leur souriais. De l'autre côté des tilleuls, j'apercevais l'infirmerie. Elle paraissait se reculer, et les petites fenêtres me faisaient penser à des yeux malades. Là aussi, je m'arrêtais, à cause de la sœur Agathe. Elle était si gaie et si bonne que les petites filles riaient toujours quand elle les grondait. C'était elle qui faisait les pansements. Quand on venait la trouver pour un bobo au doigt, elle nous recevait avec des mots drôles. Et selon qu'on était gourmande ou coquette, elle promettait un gâteau ou un ruban qu'elle désignait d'un vague signe de tête. Et pendant que le regard cherchait le gâteau ou le ruban, le bobo se trouvait percé, lavé et pansé. Je me souvenais d'une engelure que j'avais eue au pied et qui ne voulait pas se guérir. Un matin, sœur Agathe m'avait dit d'un air grave. « Écoute, je vais t'y mettre quelque chose de divin, et si ton pied n'est pas guéri dans 3 jours, on sera obligé de te le couper. » Et pendant 3 jours, j'avais évité de marcher pour ne pas déranger cette chose divine qui était sur mon pied. Je pensais à un bout de la vraie croix ou à un morceau du voile de la Vierge. Le 3e jour, mon pied était complètement guéri, et quand je demandais le nom de ce remède merveilleux, sœur Agathe me répondit avec un rire malicieux. « Bête, c'était de l'onguent Arthur divin. » Divin, déive et haïenne. La nuit était avancée quand je m'endormis, et dès le matin j'attendis la fermière. J'aurais voulu qu'elle vînt, mais j'avais peur de la voir venir. Sœur Marie-Aimée relevait brusquement la tête chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte. Comme nous finissions de dîner, la portière vint demander si j'étais prête à partir. Sœur Marie-Aimée la renvoya en disant que je serais prête dans un instant. Elle se leva et me fit signe de la suivre. Elle m'aida à m'habiller, me remit un petit paquet de linge et dit tout à coup « C'est demain qu'on le ramène et tu ne seras plus là. » Elle reprit en me regardant dans les yeux. « Jure-moi que tu diras tous les soirs un De Profundis pour lui. » Je jurai. Alors elle me serra avec violence sur sa poitrine et elle se sauva vers sa chambre. Puis j'entendis qu'elle disait « Oh, c'est trop, mon Dieu, c'est trop !» Je traversai la cour toute seule et la fermière, qui m'attendait, m'emmena aussitôt.